Bakelit, crew, Brackenick, tout. J'ai vu des gens venir, on se demande bien ce qu'ils viennent foutre ici. J'en ai vu d'autres partir, je les comprends, il vaut mieux vestir. Reste les halles, c'est comme garder la tête dans la merde. Ici tout le monde t'emmerde, t'as pas de sauce à boire si t'as de l'air. Des feuilles et du tabac sur le bitume hiver comme été. Incrusté au sol comme la plupart à la cité. J'ai vu des mecs assister à des crimes sans lever le petit doigt. Des mecs armés sortir leur flingue et tirer dans le tas. Je vois des gars fire cette latisme qu'à extra. J'ai vu des gosses sortir de la veca et dire c'est extra. J'ai vu et j'aime les rissois qui partent en couille en quelques secondes. Contre le papier en brûle, coup de pression, keuf qui tombe. J'ai vu des bravures, des gars qui pètent les plombs, faire preuve de bravoure. J'ai vu des cons s'approchent et flippent des cassures. J'ai vu des gars sûrs de leur business mais béton. Des mecs assurent avec un moral de béton. J'avais vu de morale, c'est embêtant. C'est rien que des entêtés compétents. Quand il s'agit de tout péter sans pitié. Moi, je vois ce que je dis ce que je dis, chienne de vie dans les cités. Je vois ce que je dis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix ici. Je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix. Je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix ici. Je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix. J'ai vu des coups de chasse, des coups de hache, des coups de bombe, des gaz fertés à coups de bombe dans le puits. Ici la rue chasse les petits cons. J'ai vu des guerres de gang chez nous, on dit les grands esprits se rencontrent. Les petits se racontent. La nuit y a pas couvre-feu mais des coups de feu. Pas de compte de fées, par contre des faits divers. J'ai vu des méfaits racistes dignes d'Adolf Hitler. J'ai vu des scars à béton dans des cours et fous. J'ai vu des gars faire répoir à cause d'une couille au refou. Je vois des dingues, des fous, des défauts, mais rien que des vrais. Ici on te braque pour un stick, tu veux tester, c'est. Et c'est les gars qui pointent les halls de midi à minuit qui se font de la mal. Fais pas l'inverse ou l'allergie fait mal. J'ai vu des instits craquer, des types faire braquer, des mecs embarqués dans des salles à faire devenir des criquets. Ici si on taxe une clope, c'est pour un carton briquet. C'est pas Wall Street, pourtant y'a de ton niqué. J'ai vu que des gens tirent, j'ai vu que des gens tuent. Moi t'as vu, je braque avec le mic et j'ai déjà tué. J'ai vu, je crève gratter mon shit et mes yeux. T'as vu, je vois que les gratte et bercés profitent de nos rushs. Je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix, massi, 9 ou 300. Je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix ici, je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix, je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix ici, je vois ce que je vis ce que je dis ce que je vois, chienne de vie. Tous ces chétans prennent la voix. J'ai vu des pertises, des pères et des mères qui crisent, des descentes de keufs en J5, Nevada 309 grise. J'ai vu des plaques CFN, 9194, clair pour eux c'est fun quand ils trouvent un morceau de cellophane. J'ai vu des femmes faire le tapin à son accotra, des putes à 5 queues qui connaissent rien au Kama Sutra. J'ai vu un gars se faire brouiller à 6h du mat, sur un câble des gens qui marchent, mais pas de bol, tout le monde comate. J'ai vu un mec gueuler sur un sourd qui avait mis mon son à fond. Ici les mythos montent des films pire que Beston. On a même vu ta meuf se faire tuer dans un piston. J'ai vu des mecs puissants dans mon Z, oh oh. Ici les cannibales se bouffent tous pour des ailes, oh oh. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix ici. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix ici. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix ici. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix. J'vois ce que j'vis ce que j'dis ce que j'vois, chienne de vie. Tous les chétans prennent la voix. Mephisto gars. Tous les chétans prennent la voix.